Vous êtes toujours au Radioton de CKRL. Je vous rappelle qu'on est ici jusqu'à ce soir, 21h. Soyez généreux, continuez à faire des dons. Venez nous rencontrer, fait beau aujourd'hui, au 405 3e Avenue. Ce matin, je devais rencontrer Jean Désy, moi et Jean-François Artaud qui est avec moi. Bonjour Jean-François. Bonjour Caroline, ça va bien. Alors vous l'aurez remarqué pour ceux qui sont ici ce matin, Jean Désy est pris dans la tempête, était pris hier à Saint-Louis dans la tempête. Ouais. Pas de vol, un vol par jour. Oui, à peu près un vol par jour. Ça arrive de temps en temps, ça, les blizzards, surtout maintenant, tu sais, les entre-saisons qu'on appelle. Là. Même dans le Grand Nord, il y a des entre-saisons, il y a l'automne puis il y a le printemps. Et c'est pas drôle pour Jean, là, il peut être coincé quelques jours quand même dans le blizzard. Oui. Ouais. Bon, ben en tout cas, il fait dire un beau bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs. Il est bien désolé, il peut pas être là, mais on est entre bonnes mains, puisque Jean-François Artaud, vous le connaissez peut-être, il a l'émission Accès Pouvoir avec Luc Ferland tous les jeudis matins à 9h. Il est chroniqueur à l'émission Les Matins éphémères que j'ai le bonheur d'animer. On parle politique ensemble. Oui, on parle pas sûr. Du Nord, mais le Nord, c'est ta spécialité. Alors, je te présente un peu officiellement. Oui, okay, avocat. Oui, bon, il y a des titres très longs, mais on va résumer ça. Avocat émérite spécialiste en droit autochtone. On peut résumer ça comme ça, mais il y a plusieurs choses qui se rattachent à tout ça. Mais grosso modo, tu es quand même une sommité, peut-être moins connue que Jean Désy, quoique tu as publié à peu près autant. Tu vas peut-être pas dans le Nord en rama, mais tu... Non, c'est ça. L'aspect sportif, ça, je l'ai. À Jean, là, mais effectivement, j'ai publié Jean un peu partout. Un de mes amis que je connais bien aussi, qui est médecin, Jean, et qui œuvre encore au Nord, là, que j'ai connu à l'époque où j'habitais Coudjouac. Donc oui, le Nord, c'est ma spécialité, mais c'est aussi ma vie. Et curieusement, je n'ai pas choisi le Nord, parce que moi, je suis un petit gars de Saint-Malo. Je suis né sur la rue de Lafayette, au coin des Aubes-là. Là. Ça, c'est Québec, vraiment. Oui. Là, bon. Et je travaillais à Montréal à ce moment-là, juste avant de monter au Nord. J'étais à l'Union des municipalités du Québec, imagine-toi donc. Et à ce moment-là, il y avait une réforme qu'on appelle la réforme Trudel, c'est-à-dire une réforme par laquelle le gouvernement du Québec, le Parti québécois, transférait pour 500 millions de responsabilités aux municipalités. Alors, j'ai travaillé là-dedans comme un fou, à me brûler littéralement. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais 26 ans à l'époque, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et j'ai regardé bêtement dans le journal du Barreau, qui était en version papier à ce moment-là, et j'ai vu une offre d'emploi pour 2 ans à Coudjouac. Sincèrement, j'avais aucune idée, c'était où. J'avais... Bon, ça sonne un peu exotique. Ouais. J'avais un oncle qui avait travaillé à Coudjouac-à-Pic. Je me suis allé pas être très loin. Écoute, c'était à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je me disais, ça va pas être très loin. Ça sonne exotique, ça me tente, j'applique. Finalement, j'obtiens le poste pour 2 ans et j'y suis resté à Coudjouac même pendant 7 ans. Par amour, par passion, parce que tu dis, oh, c'est payant, je veux rester. Même là. Pas. Tu vois, les gens pensent beaucoup ça parce que souvent, les gens ont à l'esprit la baie James. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un peu étonnant parce que dans l'imaginaire collectif, tu vois, le plus au nord qu'on peut aller, c'est la baie James. Ouais. Le port des Québécois, d'ailleurs, sont très fiers de ça et c'est correct. On disait à une certaine époque qu'on était hydro-québécois. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Bon. Oh, je suis assez vieille pour ça. Oui, moi aussi. Et donc, ça, c'est comme si ça arrêtait là. Mais quand on est rendu à la baie James, à Radisson, par exemple, ben, on a la moitié du chemin de fait. Tout le reste encore, ça appartient au Québec, ça. C'est quand même incroyable. Et ça appartient au Québec depuis pas si longtemps, depuis 1912 seulement. Avant, c'était les territoires du Nord-Ouest. Oui, c'est... Et le gouvernement fédéral a adopté une loi, ça s'appelle la loi sur l'extension territoriale, si on veut. Loi par laquelle il transfère cette propriété-là au Québec, à condition que le Québec s'occupe des aborigènes, disait-on, qui y habitent. Je me souvenais pas de ce mot-là. Oui, imagine-toi donc, aborigène. Et le Québec l'a pas fait avant 1965-66 à peu près. Et c'est René Lévesque qui l'a fait. Bien sûr, parce que M. Lévesque était intéressé par les questions autochtones, mais aussi beaucoup à cause des richesses naturelles. Mmh. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était le ministère des richesses naturelles, pas des ressources naturelles. Hein. Bon. Alors, M. Lévesque est allé au Nord. Mais grosso modo, ça reste un peu même principe. On change les mots. Mais... Bon, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup le gouvernement, il faut le dire malheureusement, c'est les ressources naturelles, dont le Nord regorge des ressources minières et tout ça. Mais qui rapporte beaucoup d'argent. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'il y a aussi du monde qui habite là-bas. Puis moi, c'est le monde qui m'intéresse, tu vois. Donc, t'es resté, si on revient à ton cas précis, t'es resté dans le Nord 7 ans. 7 ans, oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui t'attirait là-bas? Mais parce que le Nord, c'est la démesure. Complètement. Tu vois, il fait froid, ça n'a pas de bon sens. Puis les gens sont chaleureux, ça n'a pas de bon sens. Il y a de la vie comme il n'y en a pas ailleurs, malgré le côté arbre un peu de la météo. Puis ça, il y a des fleurs au Nord, il y a des fruits, des petits fruits beaucoup, des plaquebières, des harpiques qu'on appelle en inuktitut. Donc, c'est des espèces de petites framboises orangées, un peu amères, là, qui sont très bonnes. Donc, il y a beaucoup de vie, puis il y a beaucoup de morts aussi. Richard Desjardins chantait dans Kinissie que la mort était déjà présente dans la toundra et qu'on la trouve jamais. Et c'est vrai parce qu'il y a cette dureté de la vie qu'on ressent au Nord. Puis moi, je suis tombé en amour avec les gens. Alors, je suis resté là pendant 7 ans. Mon premier fils, Benjamin Adoupa, est né au Nord. Alors, on a eu beaucoup de plaisir au Nord. Mais, évidemment, on ne va pas au Nord par hasard. Hein? Il faut avoir un travail. Il n'y a pas d'infrastructure touristique dans le Nord. Ben, de plus en plus, mais c'est encore très modeste. Si on veut, tu as des parcs nationaux là, qui sont créés. Bon, il y a un petit peu d'infrastructure touristique, mais il n'y a pas encore l'accueil touristique qu'on souhaiterait, peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui vont au Nord pour fuir. Hein? Il y a des gens qui fuient, fuient une veuve éplorée, fuient l'impôt, fuient la police. Fuient, bon, là, vous devinez un peu. C'était pas mon cas, je vous rassure. Moi, je fuyais rien. En fait, j'essayais de me trouver. Parce que cette vie folle du centre-ville de Montréal, c'était pas la mienne. Véritablement pas. Je me sentais pas à l'aise là-dedans. J'avais mené, je pense, correctement les négociations de la réforme Trudel à laquelle je référais tantôt. Mais c'est pas ça qui m'intéressait dans la vie. Ce qui m'intéressait dans la vie, c'est le monde. Alors, je me suis trouvé dans le Nord. Puis, je suis pas quelqu'un de plein air. Là. Je pense que physiquement, ça paraît, pour ceux qui me voient. Je suis pas quelqu'un qui aime faire des grandes expéditions dans les montagnes. Puis ça, pas du tout. T'sais. Puis, j'ai fait du motoneige, bien sûr, dans le Nord. Mais c'était pas mon objectif. Là. J'allais pas dans le Nord pour m'acheter des vêtements Artérix puis mettre ça sur mon CV. Ça m'intéressait pas du tout. Alors, c'est des gens qui m'intéressaient. Puis, des gens m'ont bien accueilli. Même à Coudjouac, qui est une grande ville quand même, Coudjouac, si on la compare aux autres du Nord. On connaît tellement peu, je peux pas me figurer Coudjouac. Écoute, je veux dire, à part oui, en image, mais bien sûr. Mon premier voyage à Coudjouac, je te raconte ça pour passer l'entrevue. D'abord, une première entrevue au téléphone, juste en anglais, c'est un peu étonnant. Bon, mon père qui avait travaillé dans le cabinet de M. Lévesque, je te dis que mon pauvre père qui est décédé aujourd'hui devait se retourner dans sa tombe. Tu sais, bon. Alors, je prends l'avion à Dorval, c'est un Boeing 727. Déjà là, c'est rassurant parce que tu penses que tu vas prendre un tout petit avion de rien du tout, tu sais, puis que tu vas sentir des turbulences et tout. Pas du tout, c'est un Boeing 727. 2 heures après, on est à Coudjouac. Ça, c'est 2500 km quand même. Là. Donc, 2 heures après, on est à Coudjouac. On atterrit à Coudjouac. Et ma première réflexion sur Coudjouac, c'est un peu étonnant, c'est « Ah, mon Dieu, c'est organisé. » Parce qu'on s'attend à voir une réserve indienne. Mais c'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est un village nordique. C'est un village, une municipalité, comme il y en a partout, qui est dirigé par un maire, par des conseillers municipaux. Et on a le sens, on sent que c'est organisé. Il y a des infrastructures, il y a des routes qui n'étaient pas pavées à l'époque, qui le sont maintenant. Il y a un hôpital. Tu vois que c'est un centre administratif. Bien sûr, il est tout petit en nombre, mais c'est un centre administratif de près de 3000 personnes aujourd'hui. Il y a 13 000 personnes au Nunavik. La plupart sont des Inuits. Bien sûr, à peu près 12 000 sont Inuits. 99 % des gens parlent Inuktitut à la maison. Donc, c'est un genre de monde autochtone particulier, parce que même dans le monde autochtone, les Inuits ont un statut particulier. On en parle assez rarement. D'ailleurs, on parle souvent des Premières Nations et des Inuits. Tu vois, les Inuits, c'est pas une Première Nation. Ils veulent pas se définir comme ça, là. Ils veulent se définir vraiment comme des Inuits. Et Inuit, ça veut bêtement dire homme, humain. Ah. Bon. Mais Jean-François, tu dis tout ça, puis on le comprend, puis c'est des mots qui nous résonnent, mais qu'est-ce qui fait qu'on connaît si mal notre Nord? C'est une excellente question. C'est que dans l'identité québécoise, le concept de l'Arctique n'existe pas. Tu vois, dans l'hymne canadien, par exemple, là, dans la version anglaise, on a le True North, Strong and Free. Dans la version française, on a épopée, machin chouette. On n'a pas cette notion-là. Alors, cette notion-là vient de Diefenbaker, beaucoup, de cette espèce au-delà du 60e parallèle, là, tu sais, North of the 60, ouais. Les territoires qui, eux, appartiennent constitutionnellement au fédéral. Donc, une notion canadienne-anglaise beaucoup plus ancrée dans l'identité relativement au Nord qu'au Québec. Pour nous, le Nord, au Québec, c'est une autre région administrative. Mais oui, c'est comme s'il y avait une ligne là, au nord du 49e parallèle. Là, j'avais apporté le livre de Jean Désy, justement, oui, et Serge Bouchard. Mais très beau livre, d'ailleurs, en passant. Oui, tout à fait. Donc, il y a une ligne imaginaire, mais c'est notre pays, le Nord aussi. Tout à fait, oui, ça appartient au Québec. Et les Inuits sont fiers de faire partie du Québec aussi. Mais tu as raison, il y a une ligne au 49e parallèle qui, elle, vient de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, qui fait en sorte que c'est comme si, au-delà de ça, c'est le grand désert, c'est des terres vierges, un territoire inhabité. Ben, c'est tout sauf ça. Il y a eu de l'activité là-dedans depuis toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Coudjouac, c'était d'abord une base militaire américaine qu'on appelait Crystal 1. parce qu'à l'époque, on craignait vraiment l'invasion des Russes par le Nord. Ah oui. On avait construit des zones de radar, là, le Mid-Canada Line, puis le Doo Line pour Distant Early Warning Line. Finalement, on s'est rendu compte que si on devait être envahi par le Nord, les lignes auraient été trop lentes à réagir. On aurait été envahi quand même, mais bon, ça, c'est quelques millions de dollars plus tard qu'on s'est rendu compte de ça. Ouais. Donc, il y a un attrait pour le Nord depuis toujours. Bien sûr, les minières ont été présentes pendant longtemps. Asbestos, des mines de fer, des mines de cuivre, de nickel, même du diamant. Il y a du diamant près de Cagnard-sur-Loup-Jouac. Donc, il y a de l'activité. Il y a toujours eu de l'activité. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est pas connu. Puis c'est pas enseigné non plus. Hein, le Nunavik, les gens te confondent encore Nunavik, Nunavut. Bon, tout est un peu mêlé. Nunavut, c'est un territoire canadien qui est encore plus au nord que le Nunavik. Le Nunavik, c'est au Québec. Et ça appartient au Québec. Oui, c'est compliqué. Tu parlais Inuit tout à l'heure. Ouais. Aussi, ça aussi, il y a une différence. Là. Bien sûr. C'est bien pas sûr. La même chose. Non, là. pas du tout. Ah, tu sais, bon, on met tout ça dans le même bain. Oui. Peut-être préciser. Bien, d'abord, les Inuits, ce sont des gens qui font partie des Premières Nations. Hein. Ce sont des autochtones des Premières Nations, donc francophones pour la plupart, qui habitent plus sur la côte nord. Et les Inuits, c'est des Esquimaux, comme on les appelait ouais, avant. Oui, c'est des anciens Esquimaux. Et ça, c'est un point peut-être intéressant à faire. C'est pas vrai que les Inuits sont insultés de se faire appeler Esquimaux. Tu sais, on a fait tout un dérapage médiatique là-dessus, à un moment donné, en demandant, par exemple, que l'équipe de football de Edmonton change de nom et tout et tout. Bon. Esquimaux, c'est pas un mot qui est péjoratif. C'est juste que c'est pas un mot inutitut. C'est un mot naskapi qui veut dire mangeur de viande crue. Et c'est vrai. Ben, bon. Alors, il n'y a rien de mal là-dedans, là, tu sais. Bon. Et les Inuits, eux, évidemment, sont sur la loi, sur les Indiens. Donc, ils habitent des réserves pour la plupart d'entre eux. Ils ne paient pas de taxes, ils ne paient pas d'impôts à certaines conditions, là. C'est pas général, tout ça. Alors que les Inuits, eux, votent, ont des villages nordiques, encore une fois, des maires, des conseillers municipaux, paient des taxes, paient des impôts comme toi et moi. Et pas mal, parce que les coûts de transport dans le Grand Nord, je te prie de me croire, c'est très cher. Alors, ils paient des taxes, évidemment, sur les coûts de transport aussi. Alors, c'est un monde qui est fascinant, qui est peu connu, qui est loin, mais en même temps qui est au Québec. Alors moi, je pense qu'on devrait être fiers de ça. T'sais, le Québec, c'est d'abord un pays nordique. Et trop peu souvent, on le dit. T'sais, Louis-Edmond Hamelin, qui a inventé le concept de la nordicité, on n'en parle plus seulement... Il n'y a pas juste à l'Université Laval qu'on n'en parle plus. Là. On l'enseigne partout, pas on en parle tellement. Plus. Non, c'est ça. Louis-Edmond, il y a eu un très joli documentaire sur lui il y a quelques années qui a été réalisé. Absolument. Mais sinon, on ne l'apprend pas dans les écoles. Non, pas du tout. Comme dans je te dis, l'histoire du Québec, c'est toute cette partie-là c'est évacuée. Ignoré, complètement ignoré. T'sais. Alors, le Nord, chacun a un Nord, mais le Québec aussi a un Nord. Puis je pense qu'il faut être fier de ce Nord-là. Il se développe très rapidement aussi. On peut écouter Chloé Sainte-Marie. Est-ce que tu la connais, cette oui, chanson? Oui. Tu veux-tu mal prononcer? Mais ça, c'est en Inou d'abord. J'écoute. Tu peux essayer de la prononcer. Mamitouné Mitamoun. C'est ça. C'est en Inou. En Inou. Ouais. Alors, si on parle la côte Nord. La côte Nord. Quel territoire? Tu parlais de cette île, ouais, Natashquan, partout là-bas. Oui, c'est ça. OK. Exactement. Alors, bon, on y va. On écoute Chloé Sainte-Marie. Chichi nan temen ok shok Jolie chanson de Chloé Sainte-Marie qui chantait. Et tu parles Inuktitut, que tu disais tout à l'heure, mais pas. Pas Inou. Non, c'est ça. Je sais pas, je choisi la bonne chanson. Mais quand même, t'as appris. Oui, là-bas. Ouais, j'ai appris beaucoup là-bas. Ça aussi, il n'y a pas vraiment de cours formels qui sont donnés d'Inuktitut. Ouais, bon, sur le tas. Puis quand j'ai travaillé pour Makivik, après peut-être qu'on y viendra, Makivik, qui est un peu l'espèce d'équivalent du Grand Conseil des Cris, mais pour les Inuits, bien là, tout se passe en Inuktitut. Alors, quand je participais au comité exécutif, par exemple, il n'y a que des Inuits autour de la table. Alors, au début, tu sais, de bonne aloi, ils vont traduire un peu pour toi, mais à un moment donné, tu as avantage à suivre. Bon. Alors, je suis bien Inuktitut. Mais c'est ça, c'est le Nord, c'est énormément de cultures. On met souvent aussi tout dans le même paquet, mais il y a plusieurs langues, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs expertises. Oui, il y a plusieurs dialectes. Il y a un dialecte de Lungava, si tu veux, un dialecte du détroit d'Hudson, puis un dialecte de l'Hudson. Donc, ces choses-là sont différentes. Évidemment que les Inuits entre eux se comprennent, mais je donne un exemple, par exemple, Tagataga, qui veut dire maintenant, à Koudjouak, ben, Pauvnetok, ça veut dire demain. Donc, il y a vraiment des sens qui sont complètement, complètement différents, là, selon les mots qu'on utilise. Bon, ou Lakout, qui veut dire bon matin, c'est pas la même chose, Pauvnetok. Donc, il y a des choses qui changent comme ça, mais c'est des familles qui sont souvent les mêmes aussi, hein, qui viennent du Nunavut. Parce que les Inuits se plaisent à dire ça, puis c'est tout à fait vrai. Ils connaissent pas les frontières. T'sais, c'était un peuple nomade qui bougeait donc d'un endroit à l'autre et qui suivait bêtement les animaux, les ressources alimentaires, si on veut. Et donc, c'est souvent les mêmes familles qui viennent de Iqaluit, de Rankin Inlet, par exemple, ou de Saluit, ou les gens. Tout ça, c'est souvent les mêmes familles. Donc, ces gens-là connaissent pas les frontières et traversent encore une fois assez souvent, malgré les coûts prohibitifs, d'un village à l'autre. Oui, tout à l'heure, tu parlais d'argent. Tu disais, c'est pas si payant que ça. Non, parlons-en, justement. Non, parce que souvent, les gens ont ça à l'esprit, tu sais, parce que les gens ont fait beaucoup d'argent à la baie James. Oui, c'est ça. Les gens pensent, je vais être dans le Nord, ça va me donner beaucoup d'argent. Mais prenons l'exemple d'un professeur. Un professeur qui travaille ici a sensiblement les mêmes conditions de travail à Koudjouak, sauf quelques primes, une prime de cargo, par exemple, qui permet de faire venir des aliments du Sud par kilo, il y a un certain nombre de kilos, gratuitement, subventionnés. Puis il y a une prime d'éloignement qui n'est pas si élevée, qui est de 6 000 $ quand on est seul et qui est de 9 000 $ quand on a une famille imposable. Alors, c'est pas tant d'argent que ça, tu sais. Bon, les gens, on va pas dans le Nord pour faire de l'argent. Parce que ceux qui y vont pour faire de l'argent reviennent assez vite. Bon, tenez-vous-le pour dire. C'est ça, exactement. Oui, parce que tout est loin, là, tu sais. Puis le mythe de... On mange de la viande crue là-bas, on mange pas de salade, il n'y a plus rien, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien. Ben, c'est-à-dire qu'on peut, on peut le faire, on peut manger de la viande crue si on veut, puis tout ça, là, mais bon, il y a beaucoup de folklore à travers tout ça. À Koudjouak, il y a des épiceries à Koudjouak, il y a des fromages fins à Koudjouak, au Nouvervie, il y en a à Northern, qui est essentiellement la compagnie de la baie du Tson. Bon. Mais il y a des villages où, effectivement, l'approvisionnement en denrées alimentaires est plus difficile. Je te garantis pas que tu vas trouver des poires à Saluit, par exemple. Non. Mais à Koudjouak, oui. Donc ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. L'alimentation même des Inuits a changé. c'est bien sûr qu'il y a encore beaucoup de chasseurs, beaucoup de pêcheurs, mais moins qu'avant. Dans les grands centres comme Coudjouac, Saluit, Pouvenitouk, c'est des gens qui vont souvent à la chasse la fin de semaine. Parce que la semaine, ils occupent des emplois, ces gens-là. T'sais. Ils travaillent beaucoup. Ça, c'est un autre mythe aussi, des gens qui pensent que les gens sont sur la sécurité, sur le revenu dans le Nord. Mais très peu. Parce que les gens travaillent. Il y a des secteurs publics qui demandent beaucoup de travail. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, de l'administration municipale. Je suis quand même un peu étonnée. Mais tu me dis tout ça, puis je me dis, est-ce que c'est pour leur plus grand bien? Est-ce que c'est leur choix? Est-ce que, bon, comme tout le monde, ils n'ont pas le choix de travailler, puis ils le font? J'ai comme un malaise à partir de ce que tu me dis là. Oui, bien, ils sont à un carrefour. Ils vont à la chasse, ouais. Tu as raison, parce qu'il y a une espèce de petite crise d'identité, si on veut, entre la vie ancienne, qui est souvent vénéré puis souvent idéalisé aussi, on va se dire les vraies choses, là, parce que c'était une vie qui était extrêmement difficile. Les gens mouraient à 35, 36 ans à l'époque aussi. Ils mouraient de faim. Il y a eu des grandes famines à ce moment-là. Bon. Et la vie d'aujourd'hui qui est plus moderne, qui est plus blanche, dirait-on. Eux, c'est ce qu'ils diraient en tout cas. Et avec cette frénésie toute relative, bien sûr, à Saluit, mais quand même un rythme de vie plus rapide que ce qu'ils ont connu par le passé. Ouais. Plus aisé, en quelque sorte, pour avoir accès aux ressources. Mais il y a une crise d'identité, bien sûr, qui n'est pas juste là-dessus, qui est beaucoup plus large que ça aussi. Voilà. Ben nous, sur ce, je rappelle que Jean Désy est justement pris dans la tempête ce matin. Ben hier aussi, là, à Saluit. Alors, il n'est pas avec nous, mais tu nous parles du Nord. Merci, Jean-François Arton. Je vous rappelle qu'on est au Radioton de CKRL. Venez nous rencontrer. On est au 405 3e Avenue. Il fait beau aujourd'hui, il fait soleil. Ah, ça se poursuit comme ça, notre Radioton, jusqu'à 21h ce soir pour l'émission de clôture avec Agnès Maltais. Ce sera notre traditionnel rendez-vous de clôture. Soyez généreux, hein, et vous pouvez toujours le faire là, en misant sur les lots d'encan ou en faisant des dons. Je suis en compagnie de Jean-François Arthaud, avocat émérite, spécialiste des droits constitutionnels. Ouais. Et on résume le CV là, parce qu'il est très long. Mais et puis pour ceux qui pensaient que Jean Désy serait là, il est pris dans le Nord. Le Nord oblige. Tempête et pas d'avion qui décolle. Et peut-être même pas aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose. Tu vois, par exemple, quand on habite le Nord, on apprend une espèce de lâcher prise. Moi, ouais, j'étais pas comme on ça du tout, contrôle, du tout. Hein. Là. J'arrivais du centre-ville de Montréal. Je voulais que tout soit réglé comme une horloge. Puis bon, écoute, on contrôle pas la météo, on contrôle pas les avions, on contrôle pas les problèmes mécaniques. Alors, Jean est à Saluit, puis c'est pas son choix que de rester là, mais non, il peut être là quelques jours encore. Moi, j'ai vécu des blizzards mémorables, des atterrissages aussi mémorables, mais ça, peut-être qu'on n'en parlera pas, parce que si les gens ont peur de voler, ça leur donnera pas le goût de voler. Oui, ben en tout cas, on espère, avec les nouveaux tarifs, les nouvelles négociations du gouvernement et les compagnies aériennes, qu'il y aura plus de vols pour le Nord. Ça permettra une plus grande accessibilité. Absolument. Ça prendra, je pense, une ouverture. T'as pas l'air convaincu? Ben, je suis pas convaincu que c'est vraiment ce que les Inuits souhaitent dans leur fort intérieur. Parce que pendant les négociations qu'on avait eues sur le plan Nord, entre autres, bon, on avait cette hypothèse d'avoir une voie ferrée qui relierait, par exemple, Schefferville à Coudjouac. Et il y a des gens qui sont en faveur de ça, mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas en faveur de ça, parce qu'ils ont l'impression qu'avec les compagnies aériennes, qui leur appartiennent d'ailleurs, et First Air, qui est le troisième plus grand transporteur canadien. First Air, on connaît moins au Québec parce que vraiment le gros de la business de First Air, c'est dans l'Ouest. C'est Edmonton, Yellowknife, Whitehorse et tout ça. Et Air Inuit. Donc, les deux compagnies appartiennent aux Inuits. Ils ont l'impression de contrôler qui vient sur leur territoire. Ce qui est un peu naïf, on va dire la vraie chose, parce qu'au-delà du prix des billets qui est prohibitif... Oui, ben on se le disait hors d'onde, là, juste pour mettre en perspective, 3 000 $. Oui, à la Coudjouac. Coudjouac-Montréal, c'est 3 000 $. Ça, c'est plus cher que Paris-Montréal. Bon, pas mal. Que c'est aller-retour. Oui, c'est ça. Écoute, non, mais c'est beaucoup pas, d'argent. C'est prohibitif. Non, effectivement. Donc, on ne va pas à Coudjouac en famille au mois de juillet. Là. D'abord parce qu'il y a trop de mouches, mais aussi parce que c'est beaucoup trop cher. Non, mais ça, les mouches, sérieusement, c'est un vrai problème, je te jure. La mouche noire. Ah, ouais. Les enfants ont des filets sur la tête. D'ailleurs, le soleil finit pas par se coucher. Le soleil se couche très, très tard l'été. Il se couche comme à 2h du matin pour se relever à 5h. Tu sais, à Coudjouac, on n'a pas le soleil de minuit. À Saluit, ils ont le soleil de minuit. Donc, les enfants sont toujours dehors. Écoute, je l'ai vécu, là, je te passe une expérience personnelle. Il n'y a comme pas de zone tampon. Il n'y a pas de soirée. Donc, il fait toujours, toujours, toujours clair. Fait que tu peux pas dire aux enfants, vous rentrerez quand il fera sombre. Il fait pas sombre. Alors ils se couchent à 9h le soir. C'est plein soleil. Écoute, on met des toiles par-dessus toiles sur les fenêtres pour empêcher justement la lumière d'entrer. Mais c'est toujours un peu compliqué. Bon, le rythme biologique en est affecté, là, forcément. Quand tu parles de lâcher prise, là-dessus aussi, là, je peux pas me coucher, dis bon, ben, là, il est 11 heures, je vais aller me coucher. Et c'est plus difficile, ça, le grand ensoleillement, que l'inverse pendant l'hiver, où on connaît la noirceur, disons, à 2h30, 3h l'après-midi. Moi, je trouve ça plus facile, la noirceur, que l'ensoleillement. T'as pas de zone de repos. Tu passes du jour à la nuit, bing bang. Puis quand tu te réveilles le matin, bien, il fait plein soleil encore, là, même si tu te lèves à 6 heures le matin. Tu sais. Alors, c'est un peu curieux. C'est un autre monde, complètement. Oui, oui. On a dérivé avec les mouches noires parce qu'on parlait de l'argent. Là-bas, ça coûte cher, ça coûte excessivement cher. Eux, ils ont des programmes sociaux. Eux, ils vivent comment? On a l'image d'une grande pauvreté, de la petite cabane en bois. C'est ça aussi la réalité autochtone? Ben, c'est l'image qu'on en a. Puis c'est un peu malheureux aussi parce que ça vient de ce qu'on appelait les maisons boîte allumette. Ça, c'est des erreurs qui ont été commises par le gouvernement fédéral à l'époque, qui ont construit des matchbox houses, pas de toilettes. C'était une réalité, là. C'était une réalité, oui. C'est une espèce de shack en plywood, plus ou moins. Ouais. Bon, pas de d'eau courante, pas de toilettes, pas rien. Donc, extrêmement modeste. Il en reste encore, d'ailleurs, quelques-unes dans certains villages. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, là. Les Inuits vivent dans des logements sociaux, pour la plupart, qui se comparent pas au HLM qu'on a ici, là, qui sont issus à peu près du même programme, mais qui se comparent pas à ça, c'est-à-dire que c'est des maisons des jumelées ou des quadruplex. Assez belles maisons, très bien construites, là, qui les abritent et qui les protègent du froid, parce que quand même il fait froid. Et il y a très, très peu de propriétaires privés. Peut-être une centaine de propriétaires privés. Une des raisons, c'est qu'on peut pas être propriétaire du terrain. La propriété du terrain appartient collectivement aux Inuits. Alors, on peut pas être, nous, comme individus, être propriétaires du terrain, ce qui rend frileux les institutions bancaires. Alors, il y a un problème. C'est tout tu un vois. Cercle vicieux, c'est ça. Là, c'est compliqué. Donc, ça, le logement, c'est pas cher. Dans le Nord, c'est pas cher. On peut avoir un 4,5 pour 400-500 $, c'est pas si cher. Mais c'est la nourriture. La nourriture, c'est à peu près 3 fois plus cher qu'ici. Les produits d'hygiène personnelle, c'est extrêmement cher. L'essence est extrêmement chère. Le prix de l'essence est fixé au mois de septembre et c'est le même pour toute l'année parce que les pétrolières sont ravitaillées par bateau une fois par année. Ça aussi, il faut comprendre ça. Hein? C'est une dynamique, c'est une logistique particulière, l'approvisionnement des villages nordiques. Oui, là, il y a les traîneaux à chier, mais il y a beaucoup de skidou encore. Beaucoup de skidou et il y a des bateaux. Donc, pendant l'été, c'est les bateaux qui viennent. De plus en plus tôt, ceci dit, donc il y a un réchauffement climatique qui s'opère, ça c'est vrai. Ça c'est un autre dossier, oui. Ouais. Donc les bateaux arrivent plus tôt qu'avant et repartent plus tard qu'avant, ça c'est une bonne chose, de plus de bateaux qu'avant. Moi quand j'étais là en 1997, je suis arrivé, il y avait 3 bateaux par année. Là, il y en a beaucoup plus que ça, puis il y a plus de compagnies de bateaux aussi. Donc l'approvisionnement par bateau, c'est toute une planification qu'il faut faire. Et planifier, on va dire les vraies choses, pour les Inuits, c'est pas si évident que ça, parce que encore une fois, c'est un peuple nomade qui vivait, qui devait se battre contre la survie tous les jours. Alors, il devait tous les jours trouver de la nourriture. Alors, s'il y a de la nourriture maintenant, ben, mangeons-la, puis on verra pour demain. Puis Louis-Aymon Hanelin nous en parle des mots. Les mots pour le temps, ils sont pas. Il y en a pas. Ah, le mot temps n'existe pas en Inuktitut. Hein? Non, exactement. C'est Ulumi qui veut dire aujourd'hui, mais cette notion de prévoir le temps. Non, ils n'ont pas de prise sur le temps. Quand tu n'as pas de mots pour nommer quelque chose, ça existe. C'est que ça ne fait pas partie de ta réalité. Tout à fait. Absolument. Oui, oui. Ouais. Parlons de la culture maintenant, parce que je vois que le temps file. Est-ce que. Vraiment, c'est une réalité. Ils perdent leur culture ou ils ont l'impression qu'ils vont la perdre ou on est à un tournant puis ils vont la... Les Inuits se définissent eux-mêmes comme étant un peuple d'adaptation. Et je pense qu'ils sont en adaptation. Donc, ils adaptent leur culture à la modernité, un peu comme tout le monde. Hein. Ils y sont condamnés comme toi et moi. Ils écoutent la télévision américaine aussi. Puis ils ont des Lady Gaga sur leur iPod et tout. Là. Bon. Il faut arrêter de penser que c'est des joueurs de tambour. Puis c'est des... Bon. Non, mais en fait, on pense plutôt qu'on se dit que c'est de valeur parce qu'ils n'en jouent plus du tambour. Mais ils en jouent encore. Mais tu sais, on a l'impression, en tout cas de mon point de vue, qu'ils sont en train de perdre la culture. Oui, tu as raison. On les assimile. Il y a eu les pensionnats, c'est une autre affaire aussi. La culture, c'est un débat constant qu'ils ont entre cette espèce de folklorisation aussi de leur culture. Ils ne veulent pas ça parce qu'ils ne sont pas que des chanteuses de gorge ou des joueurs de tambour ou de bon. Et aussi une espèce de bâtardisation de leur culture, là, influencée beaucoup par les Américains. Parce qu'encore aujourd'hui, bien que le Nord se francise de plus en plus, c'est encore pas mal plus cool de parler anglais à Kujawa que de parler français. Donc, les Inuits parlent beaucoup. Évidemment, à Inuktitut, on en a parlé, mais anglais et ensuite français. Qu'en est-il de leur langue? Leur langue est très active. Okay. C'est une des langues autochtones les plus actives vivant, au Canada. Il me semble absolument. Que c'est positif. Oui, oui, oui. Et puis ils en ont une grande, grande fierté de leur langue. Ils la protègent, ils la promeuvent. Il y a des ateliers de terminologie qui se tiennent, par exemple. Moi, j'ai déjà participé, là, où on explique, dans mon cas, c'est un concept juridique. Et là, ils inventent un mot. Donc, il y a un néologisme qui est créé, c'est quand même quelque chose, hein, qui est créé en inuptitude pour désigner la réalité que tu viens d'expliquer. Et ça, c'est fascinant. Là. Donc, leur culture est encore vivante, beaucoup. Ils veulent pas être folklorisés, pas du tout. Tu vois, les chiens de traîneau, tu en as parlé. On essaie de ramener ça un peu, cette idée des chiens de traîneau, avec des courses comme Ivacac, qui s'est terminée incidemment cette mais semaine. Mais on se déplace plus avec les chiens de traîneau. Ben, pas vraiment. Non. C'est plus pour une course. Ouais. Là, d'ailleurs, il y a eu l'abattage des chiens de traîneau. Il y a tout un chapitre noir de l'histoire canadienne. Il y en a quelques-uns quand même. Les écoles résidentielles, c'en est un. L'abattage des chiens de traîneau, c'est maintenant démontré que les agents de la Sûreté du Québec, pas de la GRC, contrairement à ce qu'on pensait, de la Sûreté du Québec ont abattu massivement les chiens de traîneau dans les années 50, 60, début 70, pour sédentariser les Inuits. Là, bon. Alors ça a donné tout un coup dans l'estime des hommes, je te dirais, parce que là, ils étaient pas mal moins pourvoyeurs quand t'as pas de moyens de transport. Alors, il y a une crise qui s'opère, une crise identitaire à laquelle on revient. Là, qu'en est-il de notre... On se sent coupable en tant que blanc. Il y a une certaine culpabilité dans l'inconscient collectif. Quelle est notre relation maintenant, aujourd'hui? Il y a eu toute cette période noire-là des années 50 que tu as abordée brièvement, mais qui était horrible, disons-le. Mais maintenant, la relation entre... Ben, maintenant, ça varie énormément d'un village à l'autre, parce qu'évidemment, il y a des villages qui sont plus traditionnalistes que d'autres. Il y a des villages qui sont moins accessibles que d'autres aussi. Je pense à Ivo-Yvic, entre autres, qui est le village qui est le plus au nord du Québec, qui est vraiment dans le très grand nord. Et ça, c'est pour un blanc d'arriver là, ben, nécessairement que tu es l'étranger de la place, là, tu sais, bon. Et ce qui est un peu dommage, c'est que les blancs, souvent, ne restent pas très longtemps. Il y a un taux de roulement très, très élevé chez les blancs. Et les Inuits le savent, évidemment, ils en sont conscients. Alors, sont conscients qu'ils vont arriver puis ils vont partir. Là, tu sais. Ça, c'est un peu dommage. Il y a pas le temps de créer des liens. Oui, c'est ça. C'est pas si facile que ça, mais une fois qu'ils t'ont adopté, c'est pour la vie. Hein. Moi, quand je retourne à Côte-Jouac, les gens me disent « Bienvenue chez toi ». Tu sais. C'est vraiment pour la vie. Mais ça prend du temps. Ce ne sont pas des gens qui donnent leur confiance facilement. On doit acquérir cette confiance. On comprend pourquoi aussi. Absolument. Là, ben, avec raison aussi. Là, c'est tout à fait correct. Là. Puis ils ne nous voient pas comme les sauveurs non plus. Tu sais, il y a des blancs qui s'en vont là aussi dans une espèce de voyage messianique, là, tu sais, pour les sauver et leur montrer les bontés de notre culture. Écoute, ça, ils les voient venir, ces gens-là. Mais oui, mais si on avait parlé à Jean Désy, qui était plus médecin dans le Nord, je pense que tu disais qu'il enseignait, on aurait pu en parler, il enseigne maintenant dans le Nord, mais qui au départ était médecin, qui allait travailler dans le Nord. Je pense qu'il nous l'aurait bien expliqué, ça. Tu t'arrives pas là avec tes gros sabots, puis... Non. Puis tu penses toujours savoir mieux qu'eux autres, là, tu sais, puis cette espèce d'infériorité qu'on leur fait sentir, là, non. On n'est plus du tout dans cette dynamique-là, et fort heureusement, tu sais. Les organisations du Nord qui ont été créées par la Convention de la Baie James sont toutes dirigées par les Inuits. Donc ça, c'est vraiment très bien, là, tu sais. Il y a vraiment une prise en charge. Mais là, qui doivent, ces Inuits-là, qui viennent s'éduquer dans les universités au Sud? Oui, encore trop peu. Mais certains le font. On a toujours 4-5 noms en tête parce que malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Il y en a un qui est diplômé de psychologie de Columbia, New York, par exemple. Bon. Ils reviennent effectivement pour se réinstaller puis un peu diriger les organisations, faire en sorte que le Nord se développe. Parce que le Nord doit se développer. Écoute, 60% de la population n'a pas 20 ans. Alors, le Nord est condamné à créer des emplois pour ces gens-là puis à leur faire de la place. Et on ne transforme rien dans le Nord. Il n'y a pas d'industrie dans le Nord, tu sais. Il n'y a pas de boucherie pour le caribou, par exemple. Il n'y a pas d'usine de poissons. Il n'y a pas d'usine d'embouteillage d'eau, comme on a déjà parlé à un moment donné. Parce qu'on voulait embouteiller l'eau des glaciers, transférer ça dans le sud. Mais c'est des coûts de transport qui sont énormes. Donc, il n'y a pas de transformation dans le nord. C'est encore des emplois. Est-ce que ça viendra dans le secteur public? Ben, moi, je suis convaincu que probablement. Oui. Il y a des serres communautaires qui se développent. Il y a un gars, Steve Grasser, à Saint-Louis, qui fait pousser des carottes, la salade, bon, qui est autosuffisant au plan de la nourriture pour sa famille et deux, trois petites autres familles. Bon, après, ça semble ça anodin, peut se faire mais en même temps. Échelle, ouais, c'est ça. T'sais, on plante une graine puis on va récolter les fruits plus tard. Moi, je suis convaincu que le nord change. Le nord change beaucoup plus vite qu'ici. C'est pour ça qu'il faut se garder un peu de juger le Nord quand ça fait quelques années qu'on est allé en disant « Oh, le Nord est comme ça », ou encore pire, tu sais, les journalistes qui y vont deux, trois jours, puis qui se disent « Voici, je vais vous expliquer le Nord ». Ouais. Est-ce que tu en as compris? Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a de plus en plus d'artistes aussi, là, des artistes inuits, inus, qui viennent s'établir et puis qui portent une parole. Là, je pense à Natacha Canapé-Fontaine, il y avait Elisa Pizac, qui vient de Saint-Louis, il y a Béatrice Deer, il y en a plusieurs autres. Il y a même un gars, Thomas Simagnoc, qui fait du jeu vidéo à Ivo-Yvic. Alors, il développe des jeux vidéo à Ivo-Yvic, t'imagines? Alors, c'est des jeunes qui sont branchés, effectivement, sur le monde moderne, là, qui fonctionnent assez bien avec l'Internet, parce que l'Internet, c'est pas très rapide dans le Nord. Ben oui, moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y en a, là? Oh, il y en a, mais c'est satellitaire. Donc, ça vient d'un satellite, c'est pas déjà la fibre optique. On en a mis à la Malbaie, là. Donc, c'est lent. Pour les courriels, ça va, tu sais. Mais, on n'a pas l'extra haute vitesse. Non, on n'est pas dans Instagram, là, tu sais, mais quand même, Facebook, c'est très populaire. Facebook a remplacé en quelque sorte la radio communautaire. Il y a des radios communautaires dans tous les villages nordiques. Ça, ça a une grande importance. Absolument. Aussi, oui, l'importance de survie aussi. Quand on part, par exemple, en expédition, on doit dire où on s'en va, à quel moment on pense revenir et tout ça. Parce que, encore aujourd'hui, il y a des gens qui se perdent dans la toundra, il y a des gens qui meurent dans la toundra, comme il y a des gens qui meurent de tuberculose. T'imagines-tu? Oui. Tu me disais ça, il y a encore des problèmes. Bon, les problèmes sociaux, c'est un gros dossier aussi. Là, je me rends compte que ça, une heure, c'est pas assez pour parler d'une heure. Il faudrait, on se fera une émission. Mais la tuberculose, oui, il y a encore de graves problèmes. Là. Ben oui, c'est une maladie qu'on a éradiquée depuis des dizaines d'années au Canada. T'sais, c'est une maladie qu'on associe aux pays en développement, tout ça, au tiers-monde. Il y a encore des problèmes de tuberculose dans le Nord. Encore, il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé de la tuberculose. Et une des raisons de ça, c'est la surpopulation dans les logements. Les logements sont surpeuplés parce que les familles sont nombreuses, ont plusieurs enfants. Il n'est pas rare de voir une famille de 10, 12 enfants vivre dans un 3,5. Tu sais, les gens prennent des tours pour dormir. C'est pas drôle. Il y a des gens qui dorment la nuit, d'autres l'après-midi, d'autres le matin. Le logement, c'est un problème majeur du Nord. Ça, c'est sûr. Alors, tant qu'on n'abordera pas cette question-là de façon sérieuse, il y a des conséquences sociales importantes. Bien sûr, il y a des maladies. Il y a de la promiscuité qui suppose toutes sortes de rapports dont on n'a pas envie d'avoir. Ouais. Bon. Et l'impossibilité d'étudier. On n'a pas d'endroit discret pour étudier. T'imagines? Alors, un enfant ne peut pas étudier chez lui. Alors, il va où? Bon, puis dehors, à moins 30, c'est pas évident. C'est pas évident. D'ailleurs, ça, c'est une chose aussi, la météo. Là. Moins 50, moins 60, je ne l'ai pas connu, moi. T'sais, j'ai fait froid, là. Le plus froid que j'ai connu, c'est moins 42. Donc, il fait froid, mais tu sais, on va pas exagérer l'affaire, là, tu sais, en disant qu'il faisait moins 53. Mais... Non, pas un coup de joie. Si on veut dresser un portrait en terminant là, du Nord, Jean-François, positif, négatif, il y a de l'espoir. Tu parles des problèmes sociaux qui sont nombreux, mais en même temps, tu parles d'un peuple fier, avec des têtes dirigeantes, des gens qui sont capables de se prendre en main. Quel serait le portrait? Il y a de l'espoir nécessairement. Moi, je pense qu'il y a une forme d'autodétermination qui est en train de s'articuler. Ça, c'est intéressant. Tu sais, les Inuits vont devenir maîtres de leur destin, un peu comme on l'a dans été dans un nous. Futur rapproché? Non, parce que la clé de tout ça, c'est l'éducation. Ouais. Alors, il faut aller à l'école, il faut exiger une éducation de grande qualité. Là, il y a des écoles quoi jusqu'au secondaire? Jusqu'au secondaire, c'est ça. Puis il y a un programme intéressant à Montréal qui vient tout juste d'être développé qui s'appelle Nunavik Sivunitsavut, qui veut dire futur, le futur du Nunavik. Et ça, c'est un espèce de corps d'élite, donc des jeunes, que des filles pour l'instant. Ah. Oui, que des filles. Bon. Donc un corps d'élite qui apprennent les rudiments, si tu veux, des questions politiques, des questions de leur culture, de leur histoire et tout, et qui vont revenir au Nord. Ben ça, c'est les leaders de demain. Et moi, je crois beaucoup en ce groupe-là, puis je pense que le futur appartient aux Inuits, et c'est à eux, finalement, de le saisir, tu sais. Ouais. Parce qu'on peut les aider, mais on peut pas faire à leur place. Ben, c'est ça qui doit être toujours embêtant. Je t'aide, mais vas-y, et j'ai peut-être la solution pour c'est toi. Ça. On peut pas arriver comme... Non. T'sais, nos solutions toutes fabriquées ici, généralement, ça fonctionne pas dans le Nord. Alors, on peut les aider, bien sûr, mais c'est à eux d'abord et avant tout de se sortir de cette difficulté sociale-là qu'ils vivent présentement. Puis, est-ce que nos gouvernements ont la bonne tangente? Ben non. Mais non, la réponse est non. Je m'attendais à ça. Non, parce que le gouvernement du Québec ne comprend pas le Nord non plus. C'est la région 10, c'est la région administrative du Grand Nord. Mais c'est pas ça, là. T'sais. Écoute, quand tu établis le secrétariat de la Société du Plan Nord à Québec, sur Grande Allée, ça donne une idée que tu ne comprends pas beaucoup le Nord. Oui. Bon, en tout cas, tu as dit qu'il y avait de l'espoir? Il y a de l'espoir quand même, bien sûr. Puis il y a des belles chansons. On va se terminer, on pourra peut-être pas toutes l'écouter, mais on pourrait écouter Elisapie Isaac, moi, Elsie, qui est une fille... De Saint-Louis. Saint-Louis, oui, exactement. Cette pièce-là est composée par Richard Desjardins, qui a déjà été professeur de musique à Pouvanitouk. Alors, Richard Desjardins qui a composé cette pièce-là pour l'ISAPI. Et c'est justement, ça parle du roulement. Mais la vie à Montréal maintenant. Maintenant, oui. Mais elle apporte une parole inouïe. Absolument. OK, on l'écoute. Merci beaucoup, Jean-François Arthaud. Merci à toi, c'est un plaisir. Et on t'écoute tout à l'heure avec Raymond Côté et ton acolyte Luc Ferland. Merci tout le monde. Vont manquer pas juste moi.